Celui qui cache les défauts, qui cache les choses mauvaises venant d'un musulman, Allah lui cachera ses défauts, le mal qu'il a en lui-même, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah ne cesse d'être dans l'aide. Il vient en aide au serviteur tant que le serviteur est de son frère. Et celui qui entreprend un chemin pour y chercher un savoir, une connaissance, Allah, par ce biais, lui facilite un chemin vers le paradis. Et il y a des gens qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures d'Allah, c'est-à-dire une mosquée parmi les mosquées, pour y réciter, lire le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour aussi l'étudier, l'apprendre entre eux, sans que la sakina, la sérénité, ne descende sur eux. Ils seront touchés par la clémence, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui viendra les couvrir. Les anges viendront à les entourer. Et Allah tabaraka wa ta'ala les citera, va les citer, va citer ces personnes réunies pour cette cause et les citera auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire auprès des anges. Et celui qui a été ralenti par ses œuvres n'ont pas été la cause pour qu'il entre dans le paradis alors qu'il n'attendait pas une quelconque chose, utilité ou bénéfice, de par sa lignée, de par son ascendance, de par sa noblesse, de la famille d'où il vient. Sa lignée ne pourra pas être la cause d'entrer au paradis. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim en ces termes. Ça, c'est une précision de l'imam An-Nawawi rahimahullah, que mot à mot, ce sont les termes employés dans le recueil de Sahih Muslim, rahimahullah ta'ala. Wali sharhi wa tafsiri hadha al-hadith al-sharif, na'khudh sharhan min 'alimin jalilin, ala wa huwa al-'allama al-muhaddith 'Abd al-Muhsin ibn Hamad العباد البدر حفظه الله تعالى العالم المشهور والمحدث والمدرس سابقا في الجامعة الإسلامية والمدرس إلى الآن منذ عقود في المسجد النبوي ومشهور بتدريسه لكتب الحديث فقد يعني ختم شرح الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في مدة 25 سنة ختمها حفظه الله تعالى. Nous allons voir le commentaire, l'explication de ce hadith pris du commentaire du grand savant, le cheikh, le grand savant du hadith, عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. Ce grand savant connu à Médine, ancien professeur de l'université islamique de Médine et enseignant depuis des décennies jusqu'à nos jours à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est aussi célèbre pour enseigner les livres et les recueils du hadith, les six livres, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Il a terminé l'explication de ces six livres durant 25 ans. Pendant une période de 25 ans, il y a quelques années de cela, il avait terminé le commentaire de ses livres. Hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah. Awalan, qawluhu, man naffasa an mu'minin, kurbatan, من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق وتنفيسها إزالتها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. Le cheikh hafizahullah, qu'Allah le préserve, nous dit, premièrement, la parole, c'est-à-dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui soulage un croyant d'une difficulté parmi les difficultés de ce bas monde, Allah tabaraka wa ta'ala le soulagera d'une difficulté parmi les difficultés du jour du jugement dernier. La difficulté, c'est lorsque la personne a du mal à s'en sortir, a du mal à trouver une issue. Il est dans le besoin. Et le soulagement, c'est de faire disparaître cette difficulté, qu'elle n'ait plus lieu d'être. Cette personne ne rencontre plus cette difficulté. Et la rétribution pour cette action d'avoir soulagé une personne dans ce bas monde, c'est que lui-même, il sera soulagé d'une des difficultés qu'il viendra rencontrer le jour du jugement dernier. Et la récompense, et on retrouve souvent cela en islam, dans les explications de celui qui fait un geste, un bien, souvent la rétribution, elle est de même nature. Tu as soulagé, tu seras soulagé. Tu as facilité, il te sera facilité. De la même nature, min jinsil amal, de la même nature. Comme tu fais, on te fera. Mais là, tu es encore plus gagnant. Pourquoi ? Parce que la difficulté de l'au-delà, le jour du jugement dernier, elle est incomparable à la difficulté rencontrée dans ce bas monde. Donc la personne, elle est encore plus gagnante, car il sera soulagé le jour où véritablement on a besoin d'être soulagé. Donc la récompense, elle est bien plus grande, car la difficulté, elle est bien plus énorme en ce jour. Et la personne est encore plus dans le besoin d'être soulagé. C'est comme pour les bonnes actions et les mauvaises actions. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, et même dans des hadiths à thème divin, Qudsi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est juste, subhanahu wa ta'ala. La personne qui a commis une mauvaise action, elle lui sera écrite une mauvaise action. Une mauvaise action. La personne accomplit une bonne action, il aura la récompense de cette action qui sera multipliée par 10 jusqu'à 700 fois et bien plus encore auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il est bon et il donne encore plus. Et donc, la bonne action, elle est inscrite complètement. Rien ne manque dans cette bonne action. Même la personne, pour sa bonne intention d'accomplir une bonne action, et réellement, il s'y est préparé, il s'est engagé à l'accomplir, de son fort intérieur, il a fait les causes, mais il a eu un empêchement, une chose qui n'est pas de son ressort, l'a empêché d'accomplir cette bonne action, elle lui est écrite comme bonne action. Elle lui est écrite comme bonne action. Et quelqu'un qui voulait commettre une mauvaise action, mais par crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec une bonne intention, il s'est écarté, éloigné de cette mauvaise action, elle lui est écrite comme une bonne action. Mais il ne faut pas tomber dans un piège, comme certains qui comprennent mal les règles religieuses ou les textes religieux. Certains rapportent cette parole qui dit « L'intention vaut mieux que l'œuvre. » Ça, c'est pas vrai. Ça serait vrai pour qui ? Pour quelqu'un qui a fait une bonne œuvre, mais son intention, elle n'était pas bonne. Son intention n'était pas bonne. Il a fait une bonne œuvre, mais avec ostentation. Celui-là, non seulement il perd son action, parce qu'il l'a fait de rien, ostentation, qui est un polythéisme mineur. Et l'autre, il a eu une bonne intention de faire une bonne œuvre. Là, l'intention, elle est meilleure que lui, que son œuvre. Mais là, une bonne intention ne sera pas meilleure que quelqu'un qui a fait une bonne œuvre convenablement. Et la récompense pour l'œuvre, elle est bien plus grande que de celui qui n'a eu que la bonne intention à elle seule. Une bonne intention à elle seule, il aura une récompense. Il a fait l'œuvre, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois et bien plus encore. Et souvent, ceux qui retiennent ce genre de phrases qui sont erronées et fausses, ce sont des gens qui sont dans une forme de fainéantise. Ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas œuvrer. Et donc, parfois, pour se donner raison, pour se légitimer, ou pour montrer un peu une certaine place, ils disent « j'ai la bonne intention ». Et la bonne intention, une attention vaut mieux que l'œuvre. Là, il y a une erreur là-dessus. Il y a une erreur là-dessus. C'est comme les personnes aussi qui disent « l'essentiel, c'est l'intérieur. C'est dans le cœur. » Et souvent, ça vient de personnes qui ne veulent pas œuvrer. Subhanallah. Et ceux qui pensent que ceci est dans la religion, ils se trompent. Ils ont mal compris la religion. Ils ont mal compris certains versets. Ils ont mal compris certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils viennent à vous dire, Allah il regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Ou alors il te dit, moi mon cœur, il est blanc, il est transparent. Et en même temps, il essaie de remettre en cause ceux qui œuvrent. En prenant comme exemple de mauvaises personnes qui œuvrent mais qui font du mal, qui œuvrent avec ostentation, en oubliant les personnes sincères et véridiques qui œuvrent véritablement comme il plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et en plus de cela, les textes authentiques contredisent cette parole. Parce que par exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah ne regarde pas votre image, votre extérieur, mais il regarde vos cœurs. Il est aussi précisé, vos cœurs et vos œuvres, dans le hadith. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il y a dans le corps, à l'intérieur du corps, un morceau de chair. S'il est bon, c'est tout le corps qui est bon. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qui est mauvais. Donc, ce qu'on voit de toi extérieurement, les agissements que tu fais, ne sont que le reflet, la traduction de ce qu'il y a dans ton fort intérieur. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Le cœur, il a toute son importance, mais l'intérieur et l'extérieur vont de pair. Il faut avoir un bon intérieur et un bon extérieur. Subhanallah. قال ثانيا قوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل والعمل هو التيسير على المعسر وذلك بإعانته على إزالة عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه. والإبراء خير من الإنذار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. Deuxièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est: celui qui facilite pour celui qui est dans une détresse, qui est surendetté, dans un besoin fort, Allah va lui faciliter dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Là aussi, on retrouve ce qu'on a dit précédemment, que la rétribution, elle est de même nature de l'action accomplie. Et l'action ici, c'est laquelle ? C'est la facilité. D'avoir facilité à quelqu'un qui était dans la détresse, dans la difficulté, en l'aidant à faire disparaître, à enlever cette difficulté. Si c'est une personne qui est endettée, hein, qui doit de l'argent à autrui, il va l'aider en lui donnant de l'argent, à titre d'exemple, pour qu'il puisse rembourser ses dettes et mettre un terme aux dettes. Et si cette personne en difficulté, il est endetté vis-à-vis de lui-même, de cette personne qui va l'aider, il va l'aider de quelle manière ? Il va l'aider en repoussant la date butoir. La date à l'approche, la personne n'arrive pas à rembourser. Ou alors on arrive au jour J, il n'arrive pas à rembourser. Donc, il va lui faciliter en lui disant: je te laisse encore un délai. On repousse la date. Ne t'inquiète pas, tu me rembourseras quand tu auras les moyens. Ça, c'est une façon de l'aider. Ou alors, il efface la dette. Il lui dit: tu ne me dois plus rien. C'est bon, c'est effacé. Et ceci est bien meilleur à faire. Mais ce n'est pas une obligation. Déjà, s'il repousse la date, s'il lui laisse un délai plus long, il va faciliter. Mais encore mieux que ça, c'est de lui effacer sa dette. Et ceci revient au créancier, à la personne qui a prêté. C'est lui qui choisira ce qu'il voudra faire. S'il a repoussé, il a facilité, il rentre dans le hadith. Il a contribué. Et s'il veut faire encore mieux, pour avoir encore plus de récompenses, il va effacer sa dette. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et si c'est une personne qui trouve de la difficulté, c'est-à-dire pour rembourser, alors on va repousser son délai, repousser la date butoir jusqu'à un moment où il sera dans la facilité. Il aura la facilité de rembourser. Et que vous fassiez preuve d'aumône, c'est-à-dire que vous effacez, c'est une aumône que tu lui fais en même temps, vous effacez cette dette, ceci est bien meilleur pour vous, si seulement vous le saviez. En islam, on ne recommande pas aux gens de s'endetter. La personne fait en sorte de ne jamais s'endetter. Mais les humains, la vie en société, et l'humain de base, c'est quelqu'un qui vit en société. Ils ont besoin les uns des autres. Chacun, à un moment donné, a besoin du service de l'autre. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que les gens, parmi eux, il y a ceux qui sont aisés, qui ont les moyens, et il y a ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens. Donc les uns, les autres auront besoin à un moment donné d'eux. Voilà. La personne fait en sorte de ne jamais s'endetter. Et s'il a besoin de s'endetter, il peut le faire. Mais s'il le fait, il doit respecter ses engagements. Il doit faire ses efforts pour payer sa dette avant ou à la date butoir. Vous imaginez que même des adorations d'Allah tabaraka wa ta'ala qui demandent de la finance, si la personne elle est endettée, eh ben la priorité pour lui c'est quoi? C'est de rembourser sa dette. Vous entendez des fois ces questions? Je veux partir à la Mecque. Je veux partir faire le pèlerinage. C'est un pilier de l'islam. Et la personne elle a la somme. Mais au même moment, il doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rembourser. C'est prioritaire. Il doit rembourser. Parce qu'il doit de l'argent à autrui. Sauf si le créancier, il lui permet. Et il lui dit, va faire ton pèlerinage, on verra plus tard pour la dette. Si lui, il lui donne la permission. Mais sinon, la personne n'a pas à partir. Et il laisse derrière lui des dettes. La personne n'a pas à vivre comme si il ne devait rien à personne. Ça, c'est un problème que certains ont. Ils vivent comme s'ils ne devaient rien à personne, alors qu'ils doivent de l'argent ici et là. Non. La personne doit faire son effort de rembourser. Et le créancier, il lui demandait de faire preuve de souplesse, de largesse envers les gens et de savoir que les gens font face à des difficultés. Là, on parle de gens sincères et de gens véridiques, pas des gens qui jouent, pas des gens qui font apparaître le contraire, l'opposé de la réalité. Ça, c'est un problème. Et le musulman, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de sincère. Et on le voit dans l'œuvre et dans comment fonctionne la personne, on voit. Et de l'autre côté, on voit des personnes qui ne font pas preuve de bonne foi. Ça, c'est un problème. Jusqu'à même empêcher que les gens font du bien. Parce qu'une personne qui prête une fois, deux fois, trois fois, ça se passe mal. Les gens ne sont pas corrects. Ça va l'amener à faire quoi? À ne plus prêter. Et donc, il n'y a plus d'entraide entre les gens. Donc, toi, en te comportant mal, tu pousses cette personne à ne plus aider les gens. Subhanallah. Donc, les gens, ils sont amenés à avoir besoin l'un de l'autre, mais tout le monde se doit d'être sincère, véridique et de faire de son mieux. Après, quand une personne elle a tout fait les efforts, il a des difficultés, eh ben, on y est. Il est dans la difficulté. La personne, il sera recommandé de faire preuve de largesse, de facilité envers l'endetté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien clarifié et démontré que la rétribution de cette facilité, c'est que lui-même va gagner la facilité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Thalithan, qawluhu, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَذَا أَيْضًا الْعَمَلُ فِيهِ سِتْرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ سِتْرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالسِّتْرُ هُوَ إِخْفَاءُ الْعَيْبِ وَعَدَمُ إِظْهَارِهِ فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالِاسْتِقَامَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ الْوُقُوعُ في المعصية نوصح وستر عليه ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرامه وعدوانه. Troisièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui vient à cacher les défauts, les péchés, les erreurs d'un musulman. Allah va lui cacher les siens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ici aussi, on voit bien que l'œuvre, c'est quoi ? C'est de cacher son frère, de cacher les défauts de ton frère. Et la rétribution, la récompense, c'est aussi que toi, tes défauts, tes péchés, tes erreurs seront cachés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sitr, c'est le fait de cacher, de ne pas montrer, de ne pas faire apparaître les défauts et les péchés d'autrui. Celui parmi les musulmans qui est connu de base, dans sa généralité, pour être quelqu'un de droit, pour être un bon musulman. Et il lui est arrivé de glisser, de tomber dans la désobéissance, de commettre des péchés. Cette personne-là, on se doit de la conseiller convenablement pour pas qu'il retombe dans ses péchés, dans ses erreurs, et on cache pour lui. Mais de l'autre côté, celui qui est connu de base, d'un point de vue général, pour être une personne perverse, une mauvaise personne, une personne qui commet des crimes, du mal, celui-là, le fait de cacher son erreur, son défaut, c'est plutôt lui faciliter de continuer dans son mal. Ça ne l'arrange pas en réalité. Et il va persister dans son mal et continuer dedans. Donc là, l'intérêt, ce n'est pas de cacher son défaut, mais de plutôt le dévoiler pour qu'il ait la punition et la sentence qu'il mérite. Cette punition qui va avoir un effet sur lui pour ne plus recommencer son crime ou son mal ou sa perversité. Un péché commis en cachette n'est pas comme un péché commis en public. Celui-là, il n'a même plus de pudeur. Il ne se cache même plus. Et le musulman est un être humain avant tout. Et l'être humain, il a sa part d'erreur. Et il est amené à commettre des péchés et de commettre des fautes. Il n'est pas exempt de cela. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui reviennent et qui se repentent. Donc, il n'y a pas d'étonnement qu'un musulman lui arrive de commettre un péché. Ça peut lui arriver. Mais le musulman, le bon musulman, il se repent. Il revient à Allah Azzawajal. Il demande le pardon. Ne pensez pas qu'on peut arriver à une société dans laquelle il n'y aura aucun péché commis. Ça n'existe pas. La meilleure des époques n'a pas été exemple de cela. Subhanallah. Ni à l'époque du prophète, ni à l'époque des compagnons, ni à l'époque des tabi'in, c'est pas à notre époque qu'on n'aura pas. Seulement, une bonne société, c'est une société d'apparence, on ne voit pas le mal. D'un point de vue général, on ne voit pas le mal. Mais ici et là, des gens peuvent commettre des péchés. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne commettiez pas de péché, Allah mettrait un terme à votre existence. On sera anéanti. Et Allah mettra à nouveau sur terre des gens qui, eux, vont commettre des péchés. Et ils vont demander le pardon à Allah et Allah va leur pardonner. Le problème, c'est quand le mal, la perversité, la corruption, elle prend le dessus. Elle apparaît. Elle est faite au grand jour, en public. C'est là le problème. Mais que ici et là, ça peut arriver, ça peut arriver. Et quelle gravité que cette personne qui a commis un péché la nuit. Personne ne l'a vu. Allah l'a, a mis un voile, l'a caché. Et au grand jour, il vient raconter ce qu'il a commis comme péché. Subhanallah. Il enlève le voile. Il dévoile pour que les gens sachent ce qu'il a commis comme péché. En islam, on n'est pas comme chez les chrétiens qui, eux, vont au confessionnal. Hein? Ils se mettent là, il y a le curé à côté et ils racontent leur péché. Et c'est le curé qui va leur dire qu'ils sont pardonnés. Nous, on n'a pas ça. Nous, les péchés, on n'a pas à les raconter aux créatures. C'est directement avec le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On demande le pardon à celui qui sait tout. Celui à qui rien n'échappe. On ne raconte pas les péchés. On se repent à Allah, azza wa jal. On demande le pardon à Allah, azza wa jal. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs te demandent après moi, dans le sens du verset, je suis proche d'eux. Qu'ils m'invoquent, qu'ils me demandent directement Allah Azza wa Jal. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies fait, tu ne trouveras jamais un péché. Mais ça, c'est la balance véritable de l'islam. Pas la balance des gens. Yarhamukallah. Chez les gens, parfois leur balance, elle est faussée. Ce n'est pas la vraie balance de jugement. Le pire des péchés, c'est quoi? C'est le polythéisme. C'est le shirk. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, les hommes, en général, ils étaient dans quoi? Dans le shirk. Ils rentrent dans l'islam, ils deviennent les meilleurs des hommes. Ils ont quitté le polythéisme. Allah pardonne tous les péchés. Mais la personne, il faut qu'il se repente. Et revienne à Allah Azza wa Jal. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur rahim. Allah pardonne tous les péchés car il est le pardonneur et il est le miséricordieux. Mais il faut que la personne fasse le pas. Et invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque fin de nuit, au dernier tiers de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala descend au plus bas ciel. Et il dit, y a-t-il quelqu'un pour me demander le pardon, pour que je lui pardonne. C'est des moments propices. Le moment où la personne, elle est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsque son front touche le sol, il est en prosternation. أَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدُ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ. Forte chance qu'à ce moment-là, il lui soit exaucé et qu'il ait réponse à sa demande. Il faut que la personne demande. On demande le pardon, on demande la miséricorde, on demande l'effacement. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je viens atteindre la nuit du destin, je suis dans la nuit du destin, quel dua je dois dire? Il lui a dit, dis, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne et qui en même temps efface le péché. Non seulement Allah le pardonne, le cache, mais il l'enlève complètement comme s'il n'a jamais existé. Il n'y a plus trace de ce péché. C'est ça l'afou. Tu es celui qui pardonne et qui efface totalement le péché. Et tu aimes ce pardon. Alors pardonne-nous et efface-nous tout, toute trace de ses péchés. Ça, c'est entre le serviteur et son Seigneur. Regardez l'homme. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte, parmi les enfants d'Israël, il y avait un homme qui a tué 99 vies. C'est grave. 99 vies. Comme on dirait, gratuitement. Sans aucune raison valable. Mais cet homme a eu des remords. Il veut se repentir. Donc, il va voir les gens, il leur dit, dirigez-moi vers le plus savant, celui qui a le savoir, pour que je lui demande comment je fais pour me faire pardonner. Bon, les gens n'ont pas su le diriger vers un véritable savant. Et ça, on le vit même aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas distinguer un véritable savant de quelqu'un qui ne l'est pas. Et souvent, les gens se font avoir par l'adoration de la personne. Il ne distingue pas quelqu'un qui est un simple adorateur et quelqu'un qui est aussi adorateur, mais il a le savoir. Un simple adorateur, c'est bien. C'est quelqu'un de pieux, qui se rapproche de son Seigneur. Allah lui a facilité les adorations, mais ce n'est pas un savant. Ce n'est pas vers lui qu'on se dirige pour poser les questions, pour demander une fatwa. Ça, ce sont les gens de science. Il faut le savoir. Donc, ils l'ont dirigé vers un adorateur. Et il est venu le voir. Et il lui a dit, oh, un tel, j'ai tué 99 vies. Et je voudrais me repentir. Il lui a dit, non, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas te repentir. Bon, dans sa détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il l'a tué. Ça a fait 100. Les remords sont revenus. Et il a redemandé. Dirigez-moi vers une personne vers qui je peux poser ma question. Comment je fais pour être pardonné? Et là, on l'a dirigé vers un savant. Là, l'homme qu'on lui a signalé était un savant. Et il est venu le voir et il lui a dit, oh, un tel, j'ai tué 100 vies, 100 personnes. Ai-je droit au pardon? Et il lui a dit, mais qui peut se mettre entre toi et Allah? Qui peut se mettre entre toi et Allah? Tabaraka wa ta'ala. Personne. C'est entre toi et Allah. Mais il lui a dit, pour terminer ce hadith, tu es dans une région, un village mauvais. Les gens ne sont pas bien. C'est-à-dire que même si tu veux te repentir, et c'est là qu'on comprend que le milieu, hein, a un impact, un effet sur la personne. Subhanallah. C'est dur d'être droit, mais au sein de personnes mauvaises. De même qu'une personne mauvaise, dans un milieu droit, il y a forte chance qu'il va les suivre. Subhanallah. Et donc, il lui a dit, tu es dans un mauvais endroit. C'est-à-dire que même si tu te repens pendant quelques jours, mais après, ta façon d'être d'avant, elle va revenir. Tu vas retourner là où tu étais. Quitte cet endroit et va vers tel village qui est connu pour avoir des habitants pieux. Reste avec eux jusqu'à que la mort te vienne. Quitte ce mauvais endroit vers ce bel endroit. Et l'homme n'a pas, s'est pas posé de question. Il était sincère dans sa demande. Sur le champ, il prend la direction du village. Et il meurt en chemin. Il meurt en chemin. Et là, deux catégories d'anges arrivent. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Et ils se sont disputés cette personne, qui va le prendre? Les anges du châtiment, ils ont dit, il n'a jamais fait de bonne action, il a tué 100 vies, il est pour nous. Et les anges de la miséricorde ont dit, mais il venait repentant à Allah. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, a envoyé un ange pour arbitrer entre les deux groupes d'anges. Et il est dit aussi dans une version du hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à la terre, entre lui et le village où il allait, de se rapprocher. Et de là où il est mort et le village qu'il a quitté, son village d'où il venait, de s'écarter. L'ange, il a dit, regardez la distance qu'il y a entre lui et les deux villages. Là où il est le plus proche, il est considéré avec eux. Et on a trouvé qu'il était plus proche du village vers lequel il allait, et c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris. Donc, la personne qui est connue pour montrer le mal, pour montrer les péchés, les faire ouvertement, celui-là ne mérite même pas qu'on lui cache son défaut, lui-même il ne le cache pas. Mais celui qui est connu pour être quelqu'un de bien, qui a commis des erreurs, mais il s'en cache, il veut pas que les gens, celui-là on cache, on le prend de côté, on le conseille, on lui fait la recommandation, on lui fait l'exhortation, et on ne dévoile pas. On ne dévoile pas. On ne dévoile pas. Et surtout le danger aujourd'hui, avec les moyens qu'il y a, les smartphones, les réseaux sociaux, combien de gens font du mal à d'autres personnes, hein? Ils les enregistrent et les filment à leur insu. N'est-ce pas? Et ils vont mettre ça au grand public. Ou ce qu'ils appellent les paparazzi. C'est quoi les paparazzi? Ce sont des gens qui veulent savoir ce que font des gens, certaines catégories de gens. Et ils cherchent le scoop, comme ils disent. Hein? Ils veulent dévoiler ce que des gens voudraient faire en cacher des regards des gens. Ça, c'est contraire à l'islam. C'est contraire à l'islam. Qu'est-ce que tu as appris? En quoi ça te fait plaisir d'apprendre qu'un tel, il a fait tel ou tel péché? Subhanallah. Et ici, on parle des fautes, on parle des défauts, on parle des péchés. Parce qu'il y a un autre sujet, qui est le sujet de ceux qui détournent les gens de la véritable compréhension de la religion. Ceux qui propagent, diffusent les innovations, al-bid'ah, qui sont des choses inventées dans la religion, qui ne font pas partie de la religion. Et ceux-là, s'ils prennent la parole, les devants, et ils propagent leur mal, ça devient un devoir pour celui qui en a connaissance, et celui qui en a la capacité, et celui qui a le savoir de réfuter et de répondre. Pourquoi? Pour ne pas laisser les gens tomber dans le piège. Et si on ne ramène pas ce hadith, hein, parce que cette règle-là ne concerne pas. Là, on parle des péchés, des défauts pour des gens hein, qui, ça leur arrive de tomber dedans, mais qui ne voudraient pas que les gens le sachent. Donc, cela, on cache pour eux. Rabi'an. On continue. Hein? Inch'Allah. Et après, on pourra terminer aussi, Inch'Allah. Rabi'an. Qawluhu. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم quatrièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah vient en aide, vient aider le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Ici, il y a l'encouragement, un encouragement d'aider son prochain, d'aider son frère en islam. Et le musulman sait que à chaque fois qu'il vient en aide, eh bien, il gagne avec cette action-là l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah l'aide. Subhanallah. Tu aides les gens et tu trouves que de l'aide te vient, tu ne sais d'où. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Il met des gens sur ton chemin pour t'aider et il te met les causes de l'aide. Pourquoi? Parce que toi, tu aides les gens. Donc, tu es rétribué de la même nature. Et ça, c'est une parole en quelques mots. Un don qu'Allah a donné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Jawami'ul Kalim. C'est d'avoir cette facilité de dire en peu de mots hein, beaucoup de choses. Quelques mots qui veulent dire beaucoup. On appelle ça Jawami'ul Kalim. Khamisan qawluhu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد فيكون بذلك محصلا للعلم ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. Cinquièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui entreprend un chemin pour y chercher une science, un savoir, Allah, par ce biais, lui facilite un chemin vers le paradis. Il y a l'encouragement d'étudier, d'aller à la quête du savoir religieux et al-ilm dans les textes religieux. Lorsque c'est dit comme ça, al-ilm, il est voulu, il est sous-entendu par là, la science religieuse. Les versets coraniques et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sciences qui en découlent. Voilà ce qui est voulu par le terme ilm. Donc il y a l'encouragement d'étudier les sciences religieuses et d'entreprendre les voies menant à cette acquisition. Que ce soit par le biais du voyage, de voyager dans la quête du savoir, d'entreprendre les causes pour acquérir le savoir, aussi comme d'avoir les livres, d'acheter, d'acquérir des livres, des audios pour pouvoir écouter la science, tous ces moyens légiférés pour acquérir la science, de se rapprocher des savants et d'être auprès d'eux pour prendre de la science et plein d'autres moyens connus. Et la rétribution pour cette action-là, pour ce cheminement de cette personne, de cet étudiant qui va pour apprendre, et c'est l'apprentissage, c'est un terme qui est large, entre dedans, comme on a vu, de voyager pour aller dans une institution, une école, une université, pour aller dans des cercles de science, voyager vers tel savant pour pouvoir prendre de lui, d'acquérir des livres bénéfiques pour pouvoir les étudier et les lire, des audios pour pouvoir les écouter et en même temps apprendre le savoir, d'aller à la mosquée, d'assister aux cours, aux exhortations, de poser des questions. C'est aussi une façon d'aller à la quête du savoir. Quelqu'un qui demande une question sur un sujet qui l'intéresse, un sujet qui le concerne. En agissant ainsi, il est en train de prendre un chemin pour le savoir. Et la rétribution de cette action, c'est que le chemin va lui être facilité pour aller à la quête du savoir. Et de là, un chemin va lui être facilité pour aller au paradis. C'est-à-dire que on lui facilitera l'acquisition de ce qu'il a, l'objectif qu'il avait, c'est-à-dire d'acquérir le savoir. Donc il va l'acquérir et il lui sera facilité de mettre en pratique le savoir acquis. Et en accomplissant les bonnes œuvres, parmi les règles de la législation musulmane, ce sont des œuvres qui sont la cause d'entrée au paradis. Sadisan, qawluhu, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu baynahum, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ورجعوا إلى ذلك ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة أمور هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. Sixièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ignée de gens qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures d'Allah pour réciter, lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que la sérénité descende sur eux et qui seront couverts par la miséricorde. Ils seront entourés par les anges et Allah va citer ces gens-là auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Les demeures d'Allah, ce sont les mosquées. Et de dire demeure d'Allah, d'affilier cette demeure à Allah, ça c'est un honneur qui est donné à cette demeure, d'être affilié à Allah Azza wa Jal. Et les mosquées sont les meilleurs endroits, les endroits les plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les endroits, les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Et les lieux les plus détestés, ce sont les marchés. Attention, il n'est pas interdit d'aller au marché, d'aller faire ses courses, mais ce n'est pas les meilleurs des endroits. Et combien de gens perdent leur temps? Quand on dit marché, centre commerciaux, c'est pareil. Hein? C'est pareil, c'est un marché aussi. D'accord? Combien de gens vont passer des heures et des heures et des heures? Et dedans, combien de péchés sont dans ces endroits-là? Le nombre de femmes qu'il y a, qui ne sont pas couvertes comme il le faut. Et souvent, les commerces, ils mettent de la musique, n'est-ce pas? Hein? C'est un passe-temps pour eux. Voilà. Beaucoup de péchés. Et les yeux, ceux qu'ils regardent. Les oreilles, ce qu'ils entendent. Combien? On a besoin d'aller au marché. D'accord? Sans compter les péchés commis par les gens qui travaillent. Les commerçants, il y a des hadiths là-dessus. Souvent, ce sont des gens qui crient dans les marchés. Hein? Ce n'est pas quelque chose de recommandé. Ils jurent beaucoup. Et souvent, ils jurent par mensonge. Subhanallah. Pour vendre leurs marchandises. Et ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses. Quelqu'un, il va pour son besoin, pour sa nécessité. Il achète ce qu'il a acheté. Il faut y aller. Tu ne peux pas rester sans aller faire tes courses. Il faut faire ses courses. D'accord? Mais tu vas pour ton besoin et tu reviens. Surtout s'il y a des choses qui font que tu ne dois pas t'attarder là-dessus. Et les meilleurs endroits, ce sont les mosquées. Les mosquées, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de repos. C'est un lieu d'apaisement. Normalement, c'est ça, la mosquée. La mosquée n'est pas un lieu où on se dispute. La mosquée n'est pas un lieu où on élève la voix. On n'élève même pas la voix pour l'adoration. Subhanallah. Quelqu'un qui prend le mushaf, il le lit à voix haute. Il est en train d'empêcher les gens de pouvoir faire leur prière, de faire le zikr, et ainsi de suite. Il n'a pas le droit. Alors que lui pourrait dire, mais j'ai rien fait de mal. Je lis le Coran. Oui, mais tu n'as pas le droit de perturber les gens à côté de toi, subhanallah. Par respect, chacun est en train d'implorer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous entend tous. Donc, il n'y a pas. Alors, que dire pour des paroles futiles, pour des paroles mondaines qui n'ont pas lieu d'être? Pire encore, si c'est des grossièretés ou des choses qui sont interdites. Donc, la mosquée, quelqu'un, il est dehors avec tout ce qu'il y a comme préoccupation, tout ce qu'il y a comme souci, tout ce qu'il y a comme problème. Il entre dans la mosquée. Pourquoi? Il cherche le repos. Subhanallah. Il vient pour se reposer. Il vient quitter à un moment donné ce bas monde pour s'adonner à l'adoration de son Seigneur. Voilà pourquoi les mosquées sont construites. Subhanallah. Ça, c'est important à se le rappeler. Ce sont les endroits les plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le hadith qu'on vient de citer est rapporté par Muslim. Donc, il y a un encouragement à se réunir dans les mosquées pour la récitation, la lecture du Coran, l'étude du Coran, de la religion. Et regardez, le savoir al-ilm, c'est l'héritage laissé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a enseigné le Coran et c'est lui qui a donné les hadiths. Et quand Abu Huraira, radiallahu anhu, il va au marché, il voit les gens pris dans leur commerce et il leur dit: vous êtes là, préoccupés, alors que l'héritage du prophète, on est en train de le distribuer dans la mosquée. Ils ont laissé leur commerce, ils sont tous partis à la mosquée. Puis ils sont revenus. Ils lui ont dit: oh Abu Huraira, tu nous as dit qu'il y avait l'héritage qui était distribué. On n'a rien vu. Il a dit: vous êtes sûr que vous n'avez rien vu? Il n'y avait pas des cercles d'études? Nous on dit: si, il y avait quelques cercles d'études. Il a dit: c'est ça l'héritage du prophète qui est distribué. On vous donne les versets, les hadiths, c'est l'héritage. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah wa inna l'ulama warathatul anbiya. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Allah wa inna l'anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Walakin lahum warathu l'ilm, faman akhadha bihi. Et sachez que les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham. Ils n'ont rien laissé de ce bas monde. Il n'y a pas d'argent dedans. Mais ils ont laissé le savoir. Celui qui l'a appris a pris d'une grande part. Donc, et ceci, il se fait par la lecture, la récitation d'une personne. On est en cercle, on est assis, en assemblée. Ça veut dire quoi? Lire le Coran, c'est un lit et les autres écoutent. Un lit le Coran et les autres écoutent. Cette lecture en groupe, tous en même temps, n'a jamais existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pourra vous dire ou vous ramener un texte, même faible, qui le dit. Ni le prophète, ni les sahaba ne connaissent cette façon de faire. Ça, c'est venu plus tard. C'est une innovation. Et les ulama de la sunna en ont parlé. Même si c'est répandu ici et là, mais dans la sunna, ça n'existe pas. Un récite, et les gens, ils écoutent comme Allah Ta'ala a dit: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran il est récité, écoutez-le, fastamiru là. Donc, il est demandé d'écouter. C'est quoi? C'est une écoute avec concentration. Ah, tu es en train d'écouter, soi-disant, tu tournes ta tête à droite, à gauche, tu touches à des choses, tu fais des choses et tu dis non, mais c'est bon, j'écoute. Non, le Coran, ça ne suffit pas. Tu l'écoutes et tu es concentré dans ton écoute. Afin que vous soyez touché par la miséricorde. Voilà ce qui est demandé. Même des fois dans certains commerces, dans les marchés, ils vous mettent le Coran, n'est-ce pas? Ceux qui vendent des livres religieux, même dans les librairies. C'est correct ça? C'est pas correct. Encore quelqu'un qui veut écouter parce qu'il veut savoir la récite, comment il récite pour acheter une audio. Mais qui mettent le Coran en boucle. Pendant que les gens rentrent, ben, ils ne peuvent plus parler. Comment il peut vendre lui? Il est obligé de parler avec les clients. Donc, c'est un manque de respect au Coran. C'est un manque de respect au Coran. Subhanallah. Donc, ou alors, on dit, on arrête tout commerce, Tout le monde s'arrête, s'assoit, ils écoutent le Coran. Subhanallah. Si ce n'est pas le cas, il n'a pas à le faire. Même si son intention, elle est bonne. Mais l'intention à elle seule, elle ne suffit pas. Donc, il y en a un qui lit le Coran. Et tout le monde écoute le Coran. Et aussi, une autre méthode aussi qui est faisable, c'est que chacun son tour lit. Chacun son tour lit. Soit le même passage, ou chacun lit un passage du Coran. Lui lit tant de versets, lui tant de versets, chacun lit. Quand il y en a un qui lit, les autres, ils écoutent. Et en même temps, c'est un moyen de se corriger. Parce que quand tu écoutes, tu peux corriger la récitation de la personne. Et c'est une entraide entre les gens pour réciter convenablement. Et si parmi eux, quelqu'un a de la connaissance, il a de la science, il connaît le tafsir, des versets qui ont été récités, eh bien, il pourra les faire profiter. En même temps, il pourra leur faire comprendre qu'est-ce qui est voulu par ces versets. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méditation du verset. Et de comprendre. Et il faut comprendre. Et les sahabes, radiallahu anhum, ne cherchaient pas la quantité, mais la qualité. Aujourd'hui, on ne parle que de la quantité. Un tel, il mémorise ça. Il mémorise ça. Et à la fin, pour lui, c'est comme si c'était du chinois. Excusez-moi. Il a Sittin Hizb, mais il ne connaît rien du Sittin Hizb. Subhanallah. Il peut réciter, mais il ne comprend pas ce qu'il récite. Ce n'est pas ça le but. Donc ne soyez pas étonnés quand vous entendez que certains sahaba ne mémorisaient pas complètement le Coran. Mais tout ce qu'ils mémorisaient, ils le maîtrisaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dépassait pas 10 versets. On ne dépassait pas 10 versets. On apprenait 10 versets du Coran, on apprenait la signification de ces versets et on les mettait en pratique. Après, on allait à 10 autres versets. Subhanallah. Et avec cela, on apprenait la science et la foi. C'est ça qui est demandé. Donc, celui qui a la science, il va pouvoir leur donner une explication, un commentaire de ce qui est de ce qui découle de ces versets coraniques. Et si eux tous, ils ont de la science, alhamdoulilah, ce sont des gens de science qui se sont réunis pour lire le Coran entre eux, alors ils vont partager leurs connaissances. Ils vont partager leurs connaissances et faire une étude entre eux. Et bien sûr, pour l'explication et le commentaire du Coran, ils retournent au livre authentique du tafsir. Ceux dans lesquels il y a la narration. On nous rapporte l'explication de qui elle vient. Il y a la narration jusqu'au compagnon. Le alim, il va dire, un tel m'a rapporté d'après un tel, comme dans les hadiths. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle al-riwaya. C'est la narration. Et aussi, il y a al-diraya. Al-diraya, c'est la compréhension. Quelqu'un qui ne comprend pas, il dit quoi? La adri. La adri, je ne sais pas. Al-diraya, c'est la compréhension. Al-riwaya, la narration. Al-diraya, la compréhension. Et qui est basée sur ce sur quoi était les pieux prédécesseurs de la communauté. Et la récompense, la rétribution pour s'être réunis dans la mosquée, pour la lecture, la récitation du Coran, comme on l'a vu, et l'étude du Coran, elle est de quatre façons. Quatre choses qui sont données à cette personne. Premièrement, il y a la sérénité, la quiétude, l'apaisement qui descend sur eux. La miséricorde, elle vient à les couvrir. Les anges viennent à les entourer. Entourés par les anges. Et dans le hadith sur la quête du savoir, talab al-ilm, qu'est-ce qu'il est dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ala wa inna al-mala'ika la tada'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna. Et certes, les anges posent leurs ailes sur le trajet, le chemin de l'étudiant, par agrément de son action. Et donc là, les anges viennent à nous entourer. On ne les voit pas, mais on y croit. Allah, tabaraka wa ta'ala, nous parle d'eux Le prophète sallam nous parle et il est le véridique, appuyé par la vérité. Alayhi salatu wassalam. Comme le jour du vendredi, deux anges devant la porte. On y croit, car le prophète ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Les anges, ils inscrivent toutes les personnes qui entrent à la mosquée. Et dès que l'imam se lève sur le minbar, il referme les registres et il rentre pour écouter la khutbah. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, imaginez-vous, va citer ces gens-là. Allah, tabaraka wa ta'ala, cite ces gens-là auprès de ses anges. Voyez mes serviteurs, un tel, un tel, un tel, un tel, ils se sont réunis pour moi dans l'étude du Coran. Sabi'an, qawluhu, wa man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. On va s'arrêter là, inshallah. Après la salat, il ne restera pas beaucoup, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين